Allô, maman? Je t'appelle parce qu'on va retrouver nos copains avec Pauline. Mais, et le marché? Tu ne vas pas venir? Ah non, s'il te plaît, je n'aime pas aller au marché. En plus, ils vont bientôt partir. Bon, c'est d'accord. Super, merci. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, après le marché? Ton père va faire du vélo avec ton frère. Moi, je vais aller sur la place de la paix. À 11h30, il y a une animation radio avec des jeux.